écoutez Radio Veillez et Priez, une radio web chrétienne qui diffuse les enseignements sur la fin du temps et le retour de Jésus-Christ. À toi, source de bonheur parfumée. Magnifie ton Saint-Nom, exalte ta grandeur et te rendre gloire, car tu es digne d'honneur et de gloire. Tu es le prince glorieux. Devant toi, tout genou fléchira, toute langue confessera que tu es Seigneur. Alléluia. À la gloire de Dieu. Je vais chanter un chant. Alléluia, amen, amen, alléluia, amen. Oh, alléluia, amen, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen. Oh, alléluia, amen, amen, alléluia, amen. Jésus est amour. Amen. Jésus est amour. Amen. Jésus est amour. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est présent. Jésus est présent. Jésus est présent. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Oh, alléluia, amen, amen, alléluia, amen, amen, alléluia, amen, oh, alléluia, amen, amen, alléluia, amen, acclamons le roi, acclamons le roi, oh, acclamons le roi, amen. Alléluia, amen. Acclamons le roi. Amen. Acclamons. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Alléluia, amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Nous allons lever la voix pour remercier le Seigneur pour ce temps. Que le Saint-Esprit nous conduit et que nous levons la voix. Amen. Merci Seigneur Dieu Père Tout-Puissant. Amen. Merci pour ce temps que tu nous accordes, Seigneur. C'est un privilège d'être conscient de ta présence au milieu de nous, Seigneur Dieu Père. C'est, Seigneur, par ton Esprit Saint, Seigneur, qui nous enseigne, Seigneur. C'est toi qui nous dirige, Père. Seigneur Dieu Père, nous attendons de toi, Seigneur, que tu nous nourris, Seigneur, par ta parole, Seigneur, ce matin, Seigneur Dieu Papa. Tu sais, Seigneur, nous ne sommes rien sans toi, Seigneur Dieu Papa. Nous remettons entre tes mains, Seigneur. Et tu connais le cœur de tes enfants, Seigneur. Tu connais le cœur de chacun de tes enfants, Seigneur Dieu Papa. Alors nous te prions, Seigneur Dieu Père, de mettre dans nos cœurs, Seigneur, ce qu'il faut pour nous, Seigneur Dieu Papa. Alors nous te prions également pour nos frères et sœurs qui ne sont pas encore là, Seigneur, et qui vont nous rejoindre, Père. Nous te prions également, Seigneur, pour tous ceux qui, Seigneur Dieu Père, ont soif de la vérité, Seigneur, afin que tu les conduis, Seigneur Dieu Papa. C'est toi qui conduis, c'est toi qui guides, Seigneur, c'est toi qui nous enseigne, Seigneur Dieu Papa. Tu es le Dieu Tout-Puissant, Père. Et nous remettons tout entre toi, entre tes mains, Seigneur Dieu Père. Merci, Seigneur, pour ce temps, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras, Seigneur. Oh, c'est pour les délivrances que tu vas faire, Seigneur Dieu Papa. Merci, Seigneur Dieu Père. Nous te remercions pour tout, Seigneur. Nous te prions également pour notre frère Junior, Seigneur, et toute sa famille, Seigneur. Et tous ceux qui, Seigneur, mon Dieu, œuvrent pour que ton nom soit élevé, pour que nous soyons dans, pour que nous te connaissons encore davantage, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Juste un petit rappel, hein. Pour les frères et sœurs qui viennent de nous rejoindre hein, dans le groupe de la France dans la sainteté, alors, il y a des enseignements, c'est-à-dire le temps de partage qu'on a connu. Nous sommes déjà au 30e, non, je crois, 32e ou bien 33e, pour qu'on ne revienne pas sur ce qu'on a déjà vu hein, chaque fois. Ce serait intéressant si les frères et sœurs qui sont nouveaux, aille sur le site de Mbamba Iba et commence à écouter. Vous voyez, je donne un exemple. Par exemple, on a fait un travail sur le cœur. Comment prier en pensée, des trucs comme ça. Donc, c'est sur la France dans cet été. De toutes les façons, il y a beaucoup d'enseignements, en fait. Comme ça, quand on va se connecter, vous serez à jour, en fait. On va aller sur le même pied. Sinon, on va poser des questions et si vous n'êtes pas à jour, vous n'allez pas comprendre. Vous allez peut-être vous sentir un peu à côté, quoi, en fait. Donc, pour que vous soyez vraiment à jour avec nous pendant qu'on pose des questions, pendant que le frère explique les questions posées, là, que vous ne soyez pas trop lagué. En fait, c'est ça. Je parle à la sœur Claire. C'est la sœur Claire. Catherine, pardon. Voilà. Et d'autres. Shalom, frère Benjeni. Shalom, frère. Alors, s'il y a des questions, si une personne a des. Si un frère ou une sœur a quelque chose à partager, quelque chose qui l'a touché, qui l'a marqué, une question, un rêve, un songe, quelque chose comme ça. Le frère Junior, il a une écoute, mais il va intervenir quand il voudra. Allô? Shalom à tous, hein. C'est le frère Osval. Shalom, bonjour à tous. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Voilà, j'interviens juste pour vous aider d'arriver là. Donc voilà, c'est juste pour vous dire bonjour. Et voilà, nous sommes là, nous écoutons. mon micro, comme il y a des enfants, donc moi j'ai agressif un peu. On nous écoute, hein. Amen, amen, frère. Mes frères, s'il vous plaît, j'avais une question. Allô? Oui, c'est qui? C'est la sœur Laetitia. Oui, sœur Laetitia. J'avais une question. Je voulais savoir si l'un d'entre vous pouvait m'expliquer ce que c'est que le don de connaissance ou le don de parole de connaissance, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Oui. Oui, ma soeur. Okay. La question est lancée. Le don de connaissance ou le don de la parole de connaissance? C'est, je crois que c'est le don de parole de connaissance. Shalom, shalom à tout le monde. Shalom, mes frères et sœurs. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Frère Benjeni. Allô? Allô? Oui, tu as entendu la question de la sœur, non? Oui, oui, oui, oui. En fait, le don de connaissance, il y a le bruit chez quelqu'un là. La sœur Catherine, juste pour rappel, à chaque fois qu'on se connecte, quand tu ne parles pas, tu coupes ton micro. Et c'est quand tu veux poser une question, quand tu veux intervenir, tu ouvres ton micro. Parce que quand on a tous les micros ouverts, ça fait des interférences. Et du coup, on ne se comprend pas très bien. Donc, on laisse seule la personne qui est en train de parler avec le micro ouvert. Tout le reste, on ferme le micro. D'accord. Je vois pas où il est le micro, moi je ne vois pas. Là, quand tu sur ton téléphone, quand tu touches ton écran, tu es sur téléphone. Oui. Quand tu touches ton écran, il y a les icônes qui apparaissent, il y a volume, il y a le micro, il y a caméra et il y a l'endroit où on raccroche. Donc juste là, il y a micro. C'est une petite icône avec la forme du micro. Non, je vois pas, je ne vois pas. C'est bizarre tout ça. Touche ton écran et ça va apparaître. Je touche mon écran, mais je vois rien. C'est à côté de plus. Ah, ok. À gauche, tu as le micro, à droite, tu as la caméra. Attends, je vois rien. Normalement, si tu peux raccrocher, c'est qu'il y a les icônes. Tu vois l'icône où tu peux raccrocher le fait de l'appel ou pas? Raccrocher. Parce que tout ça apparaît en même temps, en fait. D'accord. Allô? Frère Benjeni, on t'entend, hein? Allô? Oui, frère, on t'entend. Je disais tantôt le don de connaissance, c'est le don qu'en fait une personne de connaître quelque chose à un instant T, à un moment T par rapport une situation ou un événement précis, quoi. Donc le Seigneur te donne juste la connaissance par rapport à ce sujet ou par rapport à cette question, par rapport à la situation posée à l'instant. Allô? Oui, allô? Vous m'entendez? Oui. Alors, je voulais savoir si c'est des événements passés ou c'est des événements futurs. Ou c'est, en général, c'est les deux, je ne sais pas. C'est-à-dire, il te fait connaître, si j'ai bien compris, il te fait connaître la connaissance par rapport à un problème, si c'est bien ça. Oui, peu importe la situation ou l'événement que se trouve. Peut-être, ça peut être par rapport à quelque chose, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas, quelque chose se passe quelque part. On peut prendre l'exemple d'Étienne, non? Quand il était face au tribunal, la connaisseur, qu'est-ce que la Bible déclare là-bas? Il était là, il se défendait avec des paroles qui étonnaient les autres, quoi. Bon, cette connaissance, cette sagesse qui lui venait là ne venait pas de lui. Je pense qu'on peut prendre un exemple sur son cas là. Ça c'est un peu, voilà, évidemment un exemple palpable ou par rapport à un sujet comme ça, ou une question biblique qui dérange là, le Seigneur te donne en fait la connaissance, l'éclairage par rapport à cette chose-là à l'instant T là. C'est un peu, c'est en fait, voilà, comme le frère Pierre vient même de préciser. Comme le Seigneur dit, ne préméditez pas ce que vous allez dire là, car ce que vous devez dire vous sera enseigné à l'instant même par le Saint-Esprit là. Donc c'est en fait ces mots-là qui te sont mis dans la bouche par rapport à la circonstance, que ça peut être la circonstance peut concerner un événement passé, comme ça peut concerner en quelque sorte un événement futur ou un événement présent même sur lequel il faut, par exemple, décider là. Le Seigneur te donne en fait cette connaissance là à l'instant T. Et voilà quoi. Et alors, donc c'est comme une révélation que le Seigneur te donne en fait, si je comprends bien. Oui, c'est comme une révélation. Plus que ça, tu ne l'as pas appris, tu ne. Non. Ça peut être des paroles, ça peut être qu'il te fait voir quelque chose, enfin, comme une vision. C'est ça. Hein? Ça, c'est pas beaucoup plus dans le sens de la vision. C'est quelque chose qui te dépose à l'esprit même. Tu déposes à l'esprit même à l'instant. Et tu sais seulement que tu sais. C'est comme ça, mais voilà. Tu sais que c'est ça et c'est pas telle chose. D'accord. Et c'est quoi la différence alors avec la parole de sagesse. La sagesse, oui. Voilà, parole de sagesse. La parole de sagesse. C'est quelque chose qui intervient beaucoup plus dans le cadre des problèmes. Comme on dit, parfois les sages se réunissent pour trancher par rapport aux situations, par rapport aux problèmes qu'il y a là. Alors, c'est autant des choses qu'on dit que Salomon, par exemple, était sage. On regarde la façon dont il a résolu le problème des deux femmes qui ont toutes chacune accouché, donc l'enfant. C'était vraiment un problème difficile à trancher là-bas. Hein? De par cette sagesse que Dieu a donnée, de mettre fin en fait aux différentes contestations et de partir en fait les deux côtés. D'accord. Donc, le Seigneur te donne la solution, la parole et il te donne l'éclairage ou bien le chemin idéal par rapport à la résolution de telle chose, que ce soit un conseil, que ce soit par rapport à quelque chose, n'importe quoi. Ça peut être un sujet de mariage qui est là devant toi. Le Seigneur te donne directement la sagesse de pouvoir conseiller les deux. Il te donne de comprendre et il te donne des paroles de sage, quoi. Afin de pouvoir éclairer les deux, afin de pouvoir amener les deux parties, afin de donner en fait sa pensée parfaite dans ce qui doit être concernant la chose. Les proverbes qui sont les paroles, les paroles de sagesse de Salomon. Moi, ce sont les choses mûrement réfléchies, les choses vraiment profondes. Et on remarque un peu, comme on dit parfois en Afrique, un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui s'écroule. On voit un peu la sagesse des vieux. D'où on dit parfois, c'est qu'un vieux voit étant assis, un jeune ne le voit pas étant debout. Donc, de par cette sagesse, là qu'ils ont, leur conseil qu'ils ont, ils peuvent te donner un conseil comme ça, à l'instant que tu ne comprends pas, mais c'est quand tu tournes là, quand tu tournes, tu commences à faire telle ou telle chose, et tu te rends compte que c'est que telle personne m'avait dit, bien c'est que le grand-père avait dit là, c'est vraiment ainsi. Et on voit comment ils statuent, ils se réunissent parfois dans les villages, on prend le cadre des villages là pour trancher sur des décisions. Job est également un autre. Quand on lit par exemple le livre de Job, en regardant ses raisonnements, en regardant son apport, la façon dont il aborde les problèmes, on voit qu'il aborde les choses d'une sagesse vraiment. Parfois tu ne vois même pas où il t'amène quoi. Mais quand tu suis son développement, tu vois vraiment que la chose que tu prenais à la légère, c'est quelque chose de bien lourd et donc bien profond, donc il fallait vraiment faire attention. Or, c'est avec cette sagesse-là que le Seigneur donne de contrôler, que ce soit conseiller ou régler les différentes situations possibles pour nous. D'accord. Oui. Juste pour compléter ce que le frère Benjini dit, c'est ça va de pair en fait. C'est-à-dire que la parole, la parole de connaissance et la sagesse en fait, ça va de pair. C'est-à-dire que la différence avec la sagesse, c'est que tu peux avoir la solution à une situation longtemps avant, inspirée par Dieu. Maintenant, dans la connaissance, c'est que peut-être ça peut être instantané, comme il a dit. C'est-à-dire que là, par exemple, tu es en train de d'exhorter quelqu'un, tout d'un coup, ça vient comme un flash, tu réponds à la personne. Ça ne vient pas de ton intelligence, la réponse que tu donnes à la personne. Ça ne vient pas de ton intelligence. C'est le Saint-Esprit qui te met ça à l'esprit de dire à la personne. Donc, je voulais savoir, mes frères, donc, maintenant, quand il y a tout ça là, en fait, est-ce que tout ça là se retrouve dans... Excusez-moi, peut-être chez un prophète, chez quelqu'un qui a le don de prophétie. Parce que le prophète, il est là pour conseiller, enfin pour orienter, non? C'est-à-dire, il parle, il est le messager de Dieu, donc il oriente la volonté de Dieu, la volonté que Dieu veut à quelqu'un, c'est bien ça. Oui, ce sont des choses qui incarnent bien en fait ces prophètes, oui. Ce sont en fait les porte-paroles de Dieu, comme tu as dit, ce sont en fait, on va dire, les guides, même dans l'église. C'est pourquoi une église sans prophète, c'est une église qui trouve vraiment la guérison, d'où vont venir les révélations. Donc dans son orientation, justement, il va amener certainement la parole de connaissance et la parole de sagesse. C'est autant de choses qu'il incarne. Mais mes frères Ben. Oui. Mais est-ce que c'est seulement donné au prophète? Je pense que... Non, je ne dis pas que c'est seulement donné au prophète. Ok. Elle a pris l'exemple des prophètes. Je dis que le prophète incarne ces choses-là. Je ne dis pas que c'est seulement donné au prophète. J'ai une petite question là. Si je comprends bien, la parole de connaissance, elle est adressée à quelqu'un d'autre. Elle n'est pas adressée à la personne même qui reçoit cette parole là. C'est adressé à quelqu'un d'autre quoi. Oui, donc elle n'est pas adressée à la. Elle n'est pas adressée à la personne même qui reçoit cette parole-là. Elle est toujours adressée à une tierce personne, c'est ça? Bon, dit qu'elle est toujours adressée à une tierce personne, je ne dirais pas forcément, parce que tout dépend des situations, tout dépend des circonstances. de ce que le Seigneur. Il y a des choses que, parfois en lisant la Bible, ou lorsque quelqu'un dit quelque chose par exemple, tu n'as pas encore lu ce passage, mais tu sais que ce n'est pas ça. Quelqu'un donne une réponse là, tu sais que ce n'est pas ça. Bien que tu n'aies pas lu sur le sujet, bien que tu ne saches pas vraiment de prendre en compte de quoi il s'agit, mais tu sais que la réponse qui a été donnée par tel ou tel là, ou l'éclairage qui a été donné là, ce n'est pas simplement ça. Et ça, tu ne sais pas le pourquoi, jusqu'au jour, par exemple, le Seigneur te fait grâce, tu comprends pourquoi est-ce que tu avais en fait cette conviction-là en toi. Une conviction que tu ne peux pas, par exemple, éclairer. C'est par la suite que tu découvres que, ah, c'est que le Seigneur me mettait à cœur, voilà vraiment pourquoi j'avais cela à cœur. On peut te proposer quelque chose là, tu sais que non, je ne dois pas, ça ce n'est pas le chemin, tu ne dois pas faire telle chose, tu ne dois pas faire ceci. Donc, en fait, à l'instant là, tu n'as vraiment rien qui puisse te donner une décision claire de pencher sur un côté ou sur un autre, mais tu as cette condition là en toi qui te fait reculer, qui te fait prendre un côté, toutefois sans que tu n'aies assez même d'arguments pour pouvoir défendre la raison pour laquelle tu penches d'un autre côté. C'est peut-être par la suite que tu comprends pourquoi. Ça peut concerner, on peut être en train de partager là, quelqu'un a peut-être un problème. C'est que je suis peut-être en train de passer par une telle situation. Le Seigneur te met un message, le Seigneur te donne une parole et tu dis à mon égard, qui touche par exemple la situation, le problème que je suis en train de traverser. Mais ça toi tu ne sais pas également. À quoi tu dis des choses, tu ne sais même pas que tu es en train de dire, comme ça concerne en fait ma situation. Et c'est peut-être la question sur laquelle j'étais en train de chercher, laquelle j'étais en train de réfléchir tout au long de la semaine ou tout au long de la journée. Et toi, tu dis seulement et tu ne sais même pas pourquoi tu as même dû dire de telles choses. Bon, mais tu sais que c'est ce qu'il fallait en fait dire. Bon, ça sort quand ça sort. Donc, ça veut dire. Amen. Ça sent te couper. S'il vous plaît, juste pour dire aux frères et sœurs d'ouvrir les vidéos. Parce que quand on parle, quand on se voit, déjà. Alors, s'il vous plaît, je voulais seulement, ça grésille partout là. Si on peut couper le micro et laisser seulement les intervenants pour. Oui, parce que là, on n'arrive pas, c'est pas trop clair là. Il y a beaucoup de micros ouverts. Donc, je recoupe le mien, c'était juste pour ça. Merci. Donc, j'étais en train de dire qu'on ouvre les vidéos, comme ça, au moins, ça permet non seulement les micros sont fermés avec l'expression du visage de quelqu'un. Ça permet parfois de voir si la personne comprend ou s'il ne comprend pas et tout ça. Donc, l'expression aussi importante, comme le frère Willy disait la dernière fois. Si on peut, et déjà aussi, ça permet de nous voir parce qu'on fait peut-être une semaine, on ne se voit pas. Tu parles tout le temps avec ton frère qui a le micro fermé. Peut-être lui te voit, toi tu ne le vois pas. C'est pas aussi clair. Donc, juste pour qu'on ouvre les vidéos. C'est tout. La sœur Laetitia, tu peux continuer, s'il te plaît. D'accord. En fait, je voulais revenir sur deux points. Donc, si je comprends bien, frère Benjamin, la parole de connaissance, on ne sait pas qu'on l'a. C'est-à-dire, quand ça, enfin, le don de parole de connaissance, tu ne sais pas au moment où tu es en train de le manifester. Tu ne t'en rends pas compte. Tu n'es pas conscient, si j'ai bien compris. Parfois, tu es conscient parce que tu dis quelque chose, tu sais que c'est ça, mais d'éclairer forcément pourquoi c'est forcément ceci, tu ne sais pas. Mais tu sais que c'est ceci-là. Je ne sais pas si peut-être certaines choses comme ça vous sont déjà arrivées ou un truc de la sorte. Tu sais que c'est telle chose. Bien que tu ne connaisses pas, disons par exemple, disons, je vais prendre quoi? Un profane peut-être dans quelque chose qui a une conviction sur un truc. sans savoir les contours de la chose. Mais tu sais que c'est telle chose par rapport au sujet et pas une autre. Mais c'est plus tard, par exemple, que tu découvres pourquoi est-ce que tu avais cette forte conviction en toi. Mais à l'instant où tu l'avais, tu étais en fait dans la vérité, quoi. Et donc, cette connaissance que le Seigneur te donne là, ça peut être lors d'un partage comme ça. Lors d'un partage comme ça, les gens sont en train de... Tout le monde penche peut-être d'un côté là. Toi, tu es là, tu es profond, tu ne connais même pas le truc peut-être dans la chose, mais le Seigneur te met ça à cœur, tu sais que non. Tout ce que les gens sont en train de bien condimenter là, tout ce que les gens sont en train de bien embellir avec les arguments là, c'est beau, mais pas ça. Mais toi, défendre pourquoi ce n'est pas ça d'un certain côté, tu peux ne pas comprendre, tu peux ne pas savoir, mais tu sais que ce n'est pas telle chose. Ça peut concerner le problème de quelqu'un, comme j'ai tantôt dit. Quand tu lui dis ça, vous allez remarquer parfois dans les enseignements du frère, il y a certaines choses qu'il dit même, et c'est après peut-être quand, dans d'autres enseignements, quand il les suit, il se rend compte de ce qu'il a eu à dire. À l'instant-là, le Seigneur voulait que ça sorte de la façon. Lui, même le concernant, il y a des choses qu'il dit comme ça, parfois il n'est pas au courant de ce qu'il a dit, mais c'est ce qu'il fallait dire à l'instant T, par rapport à la chose-là. C'est lui-même par la suite qui comprend que, ah, si c'était vraiment autre chose, ça n'allait pas être dans, on n'allait pas vraiment être bien. Si c'était autre chose, ça n'allait pas être bien comme il fallait que ce soit dit à l'instant T par rapport à telle ou telle chose. Et tu peux savoir lorsque tu es en train de manifester ce don-là, surtout lorsque tu es déjà enseigné selon la parole. Quand tu as en fait ces choses-là, ça te donne d'être plus confiante, quoi. Et tu sais que même si tu ne comprends pas à présent, le Seigneur va t'éclairer tôt ou tard. Mais tu sais que c'est le chemin qu'il faut suivre, c'est la décision qu'il faut prendre. Amen. Amen. Juste pour compléter, en fait, c'est quand on a une vie de prière intense aussi et qu'on médite beaucoup la parole, parce qu'après la méditation de la parole, vous attendez à ce que le Saint-Esprit vous parle. Et c'est en ce moment que la parole de connaissance et de sagesse peut arriver. Par exemple, tu as une situation qui est importante, peut-être te concernant. Maintenant, après ta prière, après le temps de méditation, tu restes tranquille, tu donnes une solution à ce problème. Voilà. Ça peut concerner une autre personne, ça peut te concerner, ça peut concerner un membre de ta famille, ça peut concerner même quelqu'un que tu ne connais pas. Tout d'un coup, tu débloques la situation de ce problème. Tu sais que tu allais rencontrer ça. Donc, c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Donc, en ce moment-là. Mais tu as l'impression. Oui. Est-ce que c'est systématique d'avoir comment dire, comme tu as dit tout à l'heure, après la prière, tu attends que le Saint-Esprit. Est-ce que c'est toujours systématique? En fait, selon quand on est enfant de Dieu, le Seigneur va souvent nous dire, même quand on n'est pas avec lui. Mais la différence maintenant, c'est quand on est conscient. Quand on est conscient, c'est-à-dire quand on est dans la prière, quand on est dans la méditation, là, on est conscient que le Seigneur nous utilise. Maintenant, ça ne va pas être tout le temps, ça va être à certains moments précis, quand il veut, c'est le Saint-Esprit qui contrôle en ce temps-là, c'est pas nous. C'est pas nous qui contrôlons, c'est pas nous qui faisons. Donc, ça va dépendre de comment un problème va être dans ton cœur. C'est-à-dire que s'il y a une situation qui te dérange, par exemple, dans le cœur, ou bien la situation d'un frère ou d'une sœur qui te dérange dans le cœur, ou bien tu arrives dans un endroit où un problème se présente subitement devant toi, tout d'un coup, peut-être si tu, même si parfois sans méditer, ou bien si tu médites un peu dans ton cœur, la solution vient. Tout d'un coup, comme ça, ça vient. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tu as la solution. Ça dit, c'est pour ça la parole de connaissance et de sagesse, c'est les deux vents de père. Après, le frère junior est là, s'il est là, il peut encore nous éclairer davantage. Je ne sais pas s'il nous écoute. Shalom, frère Yannick. Shalom, shalom, shalom à tous. Bonjour, la famille. J'espère que vous allez bien. Bonjour. Alors, frère Laetitia. Bonjour, frère. Oui, je voulais compléter alors ma dernière question. Et je voulais savoir, parce que dans quand le Seigneur. Claire, coupe ton micro, s'il te plaît. Merci. Je voulais savoir maintenant, quand le Seigneur te permet de voir des choses, c'est-à-dire de voir la profondeur, il y a effectivement, comme vous avez dit, il y a un problème, ça peut être concernant, tu as un problème te concernant, tu poses ce problème-là au Seigneur, ou ça peut être un frère, une sœur, ou même quelqu'un même un peu lointain, et maintenant, il te montre le fond, il te montre ce qui se passe, je veux dire, il te montre peut-être par une vision, par un ange, ou par, voilà, il te fait connaître là, qu'est-ce que c'est. Ou même, tu ne poses même pas on te soumet un problème, tu n'as même pas eu le temps de poser le soir, peut-être quand tu rentres, tu n'as même pas pensé à ça, peut-être dans ta prise, dans un songe, le Seigneur te permet de voir la profondeur, enfin, ce qui est caché derrière, c'est-à-dire il te montre la solution, quoi. Il te montre le monde spirituel, enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, je ne sais pas si vous me comprenez. Il te montre les soubassements, en fait, du problème. Il te donne la solution au problème en te montrant les soubassements. Regardons un peu, ce n'est pas un son, bon, je vais un peu appeler le mot « songe de connaissance ». En fait, il te donne le songe et qu'il t'a donné le songe. Le songe n'a rien à voir avec les paroles de connaissance. Ni le songe, c'est dans le cadre des révélations qu'on en a parfois. Bon nombre d'entre nous ont souvent eu des songes concernant tel ou tel événement. Et le Seigneur montre le fond du problème de part peut-être un songe. Ou qu'elle dérange peut-être, quel est peut-être le problème de telle ou telle personne de part d'un songe. Pas ce sont ces de connaissances-là. Ça, c'est. Ce sont pas les choses prémises. Ça dit qu'on prémédité ou des choses qu'on a, par exemple, déjà. Avant. Donc, c'est là que je vais te mettre à l'instant T là. Parce que le songe, quand tu vois par exemple le songe, lorsque c'est par rapport à une situation qui s'est posée, tu comprends facilement que c'était telle chose. Tu as le temps de discuter de méditer là-dessus, de voir que si ça peut correspondre à ça, ceci. Mais l'autre là, tu n'as pas le temps. C'est une situation juste qui arrive à l'improviste comme ça. Il faut une parole de connaissance ou une parole de sagesse selon le don pour statuer sur la situation, sur la décision. Par contre, comme les choses, les paroles de sagesse, l'on peut avoir cette parole idéale par l'expérience, comme a dit le frère Pierre, et par notre marche qu'on a eu dans le passé. Ton micro. Donc, les songes sont à part, les visions sont à part, parce que quand tu dis bien vision, c'est vision. Bon, la vision n'a rien à voir en fait avec la parole de sagesse, parole de connaissance. Et la vision même, c'est l'un des sous-ensembles du don de prophétie. Il y en a à qui le Seigneur va donner, par exemple, c'est quelle personne. Le Seigneur peut... Non, micro ouvert, maintenant, il y a là. Il lui dit, ce qui est dans ton cœur. Il commence à lui dire les choses qui vont arriver. Il commence à prophétiser sur lui. On voit par exemple dans 1 Roi chapitre 22 avec Miché, lorsqu'il partait rencontrer le roi Akab et Josaphat là-bas. Il dit, je te dirai ce que tu montreras. Donc à cet instant-là, il n'a encore rien reçu au préalable. Mais il sait qu'à l'instant T, le Seigneur va lui montrer quelque chose. Et pendant qu'il est là-bas, il dit, j'ai vu. C'est ce même, j'ai vu. Je pense qu'il le conjugue même au présent. Avant d'aller, j'ai vu. Donc c'est à l'instant T, quand il est face à la situation comme ça, que le Seigneur lui donne cette vision-là. Il voit de quoi il s'agit. Et lorsqu'il le dit, il est en train de prophétiser. Allons un peu de Dieu là, regardez un peu si vous voulez. Allô? On t'écoute, frère. Tu as dit un roi? Un roi, chapitre 22. Donc. Si on parlait du verset 13, pour ne pas... du verset 13 au verset 19, juste pour donner les éléments qui nous sont utiles là. Et si une sœur peut nous lire ou un frère. C'est tout le monde qui participe, hein. C'est lié au nom du Seigneur. Amen. Un roi. Verset 13. 1 Roi 22, verset 13, dit. Le messager qui était allé appeler Miché lui parla ainsi. Voici, les prophètes, d'un commun accord, prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Miché répondit. Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Miché, irons-nous attaquer Ramoth en Galate, ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les rois. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michel répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramoth en Galate et qu'il y périsse? Et ils répondirent l'un d'une manière. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Amen. Amen. Donc, vous voyez, au verset 14, il dit quoi? L'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Là, il n'a encore rien. Il n'a encore rien reçu, il n'a encore rien vu. Au verset 17, on dit, Michel répondit, je vois, ça c'est instantané. Comme il est là, c'est comme ça qu'il voit cette situation-là. Quand il marche avec le messager qui est parti l'appeler, là il ne connaît rien. Il dit, je dirai ce que l'Éternel me dira. Et là, le Seigneur, là une vision lui est montrée. Il dit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Ça, c'est une vision. Et quand il le dit, il est en train de prophétiser parce que ce n'est pas encore arrivé. Il est en train de prophétiser par rapport à ce qui va arriver. Et au verset 19, Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Donc, les songes sont à part et on peut avoir un songe peut également être une prophétie. Amen. Voilà en fait. Parce que... Gloire à Dieu. Si le frère Benjamin, je ne sais pas s'il a terminé, j'aurais voulu apporter une contribution dans ce sens. Oh, mais vas-y, frère. C'est qui? C'est le frère. C'est le frère Martin. Ah, ok, frère Martin. J'aimerais, s'il vous plaît, comme je ne connais pas le nom de tout le monde, j'aimerais savoir le nom de la sœur qui a demandé la question, si c'est possible. La sœur Laetitia. Ah, voilà. Je suis la sœur Laetitia, frère Martin. D'accord. Très enchanteuse. Ok. Je disais, on va ouvrir dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 4. On va lire à partir du verset 1. Désolé, s'il y a des gens qui dérangent, je ne vais pas les prouver. Éphésiens 4, à partir du verset 1. Si quelqu'un y est, il peut lire. On va lire un peu de passage avant que je ne parle de dessus. Éphésiens 4. Oui, à partir du verset 1. Ok. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience,

jour d'humeur et de brouillard, tous les jours se répandent sur les montagnes. C'est un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'en a jamais et qu'il n'y en aura la suite. Le vent de l'île du pays était auparavant encore un jardin et depuis un désert à bout. Rien ne lui échappe. À des voix, on dirait des choses. Chupou, comme des cavaliers, à leurs enfants, pour faire des choses. Allô? Il y a du bruit là. Allô? Attends, sœur, attends, sœur. Attends, je sais chercher. Il y a du bruit, on n'entend pas, on n'entend rien. Vraiment, faisons attention quant à ce que je vais vous rappeler que les personnes à la question sont en cours de la question. Olivier, pardon. Frères et sœurs, on n'entend rien du tout. Il y a trop de bruit. Vérifions nos micros, s'il vous plaît. Merci. Excusez-moi, frères et sœurs, juste un rappel, parce que le micro, écoutez, nous écoutons les enseignements des autres pays, ou nos enseignements même. Le micro est tellement désagréable quand il y a l'enregistrement. Et il faut savoir que ce message touche beaucoup de personnes dans le monde qui ne sont pas forcément dans les groupes. Et quand il y a l'histoire du micro, moi-même, parfois, je piaffe parce que c'est tellement agaçant. Donc, nous tâchons à notre niveau afin que nos enseignements soient clairs pour tout le monde. Donc, veillons vraiment à cela, s'il vous plaît. Je peux reprendre. Donc. Ma soeur, dis même à partir du verset 12, ça peut être. Maintenant, oui. Frère, s'il vous plaît, d'habitude, enfin, c'est pas que c'est une habitude que les autres n'ont pas dit, mais le frère Yannick, son micro est tellement clair que quand il dit, tout le monde comprend à peu près. Donc, frère Yannick, s'il te plaît, si tu peux faire la lecture, ça serait mieux. Parce que c'est là où on entend le mieux. C'est pas pour mettre les autres à l'écart, mais c'est là où amen, on entend. Amen. Ok. Donc, on est dans Joël. Hein. Oui, Joël, chapitre 2, à partir du verset. À partir du verset 12. Okay, je lis au nom du Seigneur. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas auprès de lui, qui ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Entre le portique et l'autel, pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dira-t-on parmi les peuples, où est leur Dieu? L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. Tu as fini, frère? Continue. C'est terminé. Oui, continue. Tu as terminé le chapitre? Non, je suis au 18 là. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. L'Éternel répond et il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du moût et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale. Son arrière-garde dans la mer occidentale. Et son affection se répandra. Sa puanteur s'élèvera dans les airs parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront. Car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, sortez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de moût et d'huile. Je vous remplacerai les anneaux pour dévorer la sauterelle, le gélec, le asile et le jazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Continuez. Vous mangerez et vous vous rassemblerez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs, on peut lire ensemble, mais les points, les passages clés que je voulais passer, et le verset 29. C'est vrai que les frères qui allaient en esprit, hein, ils ont commencé à effectivement, je bénis le Seigneur pour l'intervention du frère Benjamin, en expliquant réellement ce que la parole de connaissance. Il y a quelque chose plus tard, qu'on est en train de dire que on peut prier, pendant qu'on prie, le Saint-Esprit nous donne de comprendre certaines choses qui étaient cachées, nous donne de la sagesse par rapport à certaines situations, chose qui n'est pas fausse. Je voulais juste amener une légère différence. Vous voyez, dans le livre de Joël et dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, l'apôtre Pierre répète ces choses-là et il parle de l'Esprit que le Seigneur devait répandre dans les derniers temps, sur toute chair. Et ce qui a été fait au moyen de l'œuvre de Christ, pour tous ceux qui croient en lui. Mais la différence que je disais, je voulais amener, c'est que nous tous, nous avons le Saint-Esprit. Du moins, c'est nous tous qui appartenons au Seigneur et qui marchons dans ses voies. Nous avons son esprit. Mais la remarque ici est que, vous voyez, quand on parle dans le livre de Corinthiens, à partir du verset 12 ou Éphésiens. La Bible dit que Dieu a fait des dons. Là, ça commence à, je pouvais dire, ça commence un peu à dispatcher. Ça veut dire que je peux avoir le don de tel, l'autre peut avoir le don de tel, l'autre peut avoir le don de tel. Dépendant, la Bible dit, selon la libéralité du Saint-Esprit, mais toute chose est conduite par un seul esprit. L'esprit que Dieu a parlé dans le livre de Joël. C'est le même esprit qui opère toutes ces choses-là en chacun d'entre nous. Mais le Seigneur dit qu'à chaque personne est donné d'opérer d'une certaine manière. Dans le livre d'Éphésiens qu'on a lu tout à l'heure, la Bible dit là-bas, et je vais lire Éphésiens chapitre 4 qu'on est en train de lire tout à l'heure, je vais lire à partir du verset verset 7. Bon. Il y a pas verset 9. La Bible dit, oh, que signifie, il est monté, et sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné, ça c'est une mention, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, comme pasteur, docteur, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Ça veut dire que tout ce que Christ a donné à l'Église, ça a un but, le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du, en vue pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Tout ce que Christ, et je veux mettre encore cette remarque, a donné à l'Église, c'est pour le perfectionnement des saints. Maintenant, nous tous, nous ne pouvons pas opérer avec les mêmes dons. On peut tous avoir le même Saint-Esprit selon la prophétie que Dieu a dit à Joël. Mais nous tous, nous n'opérons pas sur, un même, sur les mêmes. Et une remarque aussi que je veux faire, c'est que si quelque chose t'est donné, ça t'appartient, tu as la possibilité de faire de ça ce que tu veux. Donc tu peux faire de ça ce que tu veux. Tu peux soit décider de soumettre ça à la conduite du Saint-Esprit, soit tu peux décider de soumettre ça selon ton désir, tes desseins, et c'est les réalités qui se passent. C'est vrai qu'on n'a pas le temps pour tout en parler dessus, mais je voulais dire juste que le don t'est donné. C'est comme un présent. Si j'ai un présent, je te donne, le présent t'appartient. Tu es libre de faire du présent de ce que tu veux. Maintenant, tu peux être conscient pour aller un peu, encore un peu plus. Le frère Martin, je comprends pas quand tu dis que tu peux faire de ce que tu veux, de ce don. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah, d'accord, ok. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple de palpable. La Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. D'accord. C'est ce que la parole de Dieu dit, n'est-ce pas? Oui, je t'écoute. Dieu lui a fait à la base avec de la gloire, comme la parole de Dieu, l'ange de lumière et tout. Et puis, Dieu lui a fait comme ça. On sait que la Bible dit qu'à cause de ça, il a chuté un certain nombre de choses. Mais ça n'empêche pas que, quoi qu'il ait quitté, il n'est plus dans la présence de Dieu, il fait ce qu'il fait. Il a des capacités toujours qu'il a. Il a des capacités qu'il opère, qu'il exerce, il fait un certain nombre de choses avec. Dieu lui a fait à la base, il lui a donné un certain nombre de choses. Ça veut dire qu'il prend même l'apparence d'un ange de lumière. Donc, il a des capacités. Dieu ne l'a pas retiré. La Bible dit que Dieu ne se repent pas de son don. Maintenant, on va s'apercevoir que même dans l'église, ou du moins dans ce qu'on appelle les assemblées, hein, c'est un nombre de choses, il y a beaucoup de personnes qui opèrent sous le don, sans l'esprit. Ils opèrent sous le don, mais sans l'esprit. Ça veut dire qu'ils manifestent les dons de l'esprit, ils font un certain nombre de choses. Parce que cela est donné, mais ce n'est pas conduit par l'esprit de Dieu. Tu verras quelqu'un qui... Frère Martin, excuse-moi, oui. Je veux donc savoir justement, ces personnes-là qui opèrent des miracles sans l'esprit, est-ce que ça vient de Dieu ou ça vient donc du diable? C'est-à-dire les faux prophètes, les tout ce qu'on... D'accord, je vais continuer. Déjà, la je vais mettre peut-être deux différences. C'est vrai que je ne veux pas trop entrer parce que mon but c'est de toucher les deux questions. Pas de rapport. Bon, ce n'est pas des personnes qui sortent du peuple de Dieu. Donc, ils n'étant pas juifs à la base. Ils ne sont pas des circoncis, ce sont des prophètes d'autres dieux, des idoles. Mais il y a ce que la Bible appelle les faux prophètes. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont été au milieu des frères, qui ont vu un certain nombre de choses, qui ont vu la vie de Dieu au milieu des frères, comme la Bible le dit dans le livre des Hébreux, chapitre 6. Des personnes qui ont goûté les dons célestes. Et puis, qui se sont détournés volontairement pour faire d'après eux. Dieu ne leur retire pas le don. Le don reste avec eux. Ça leur est donné. Si on t'a donné un présent, ça t'appartient. Donc, tu as le droit de faire de ça ce que tu veux. Donc, il y a des personnes ainsi, ils ont des dons, mais ils n'opèrent pas d'après l'Esprit de Christ, ils ne marchent pas d'après la conduite du Seigneur. Et on voit qu'il y a beaucoup d'assemblées, beaucoup de trucs bons. Le frère Martin, je ne comprends pas quand tu dis que tu peux faire de ce que tu veux avec ces dons. Ces dons sont donnés par le Saint-Esprit. Okay, tu ne contrôles pas le Saint-Esprit. Je continue. Amen. Je peux continuer. Continue. Amen, amen. D'accord. Ok, je vais prendre l'exemple d'un nom dans la Bible. Que c'est dans le livre de Nombres, je crois 18. On va parler de Balaam. C'est l'exemple, c'est le type que je veux prendre. C'est la personne. C'est vrai que je ne voulais pas vraiment trop entrer dessus. C'est à cause des questions de Seigneur. Dans la Bible, on parle de Balaam. Et d'après les descriptions qu'on donne de Balaam, c'est quelqu'un qui œuvrait avec Dieu. C'est quelqu'un qui parlait de la part de Dieu. Il avait des visions, il avait ce nombre de choses. Mais on remarque quelque chose dans l'histoire de Balaam, c'est qu'après, il se détourne de Dieu. Dieu lui donne des instructions. Balak, qui est le roi de je crois que c'était Edom, bon, je ne sais plus trop la localité, vient chercher Balak pour qu'il parte maudit le peuple de Dieu. Et Dieu le défend. Une fois Dieu le défend, il renvoie les personnes. Et le roi renvoie encore les personnes. Et Balak n'écoute plus ce que Dieu le dit, il en fait à sa tête. Donc, il s'entête et il veut persuader Dieu d'y aller. Et Dieu lui dit que basta. Pendant qu'il est en train d'aller, la Bible dit que l'ange de l'Éternel s'est tenu. L'ange de Balak commençait à réagir autrement, il ne voulait plus avancer. Et Dieu a permis que l'ange parle pour dire à Balaam que là où tu es en train d'aller, ce n'est pas correct. Et il y a l'ange de Dieu qui se tient devant toi et il est prêt à te frapper. Et Dieu parle à Balaam. Mais même jusque-là, Balaam continue. Dieu lui dit donc que vas-y et fais d'après ce que ce qu'il te sera dit, mais tu vas parler les paroles que je vais te dire. Et on va s'apercevoir que bien après, un certain nombre de choses se passent. Bon, je veux, pour certains, vous connaissez l'histoire. Je ne veux pas trop entrer en détail. Mais après ce que Balaam a fait, il a demeuré dans le territoire des adversaires d'Israël. Quelque temps après, la Bible dit que quand Dieu a envoyé les enfants d'Israël pour partir détruire ces gens, Dieu a dit au travers de son serviteur Moïse que même Balaam doit mourir. Ce Balaam faisait les choses qu'il faisait, ce n'était pas un autre. Mais frère, je veux bon. Mon frère. Il le faisait avec l'aide de Dieu. Allô? Oui, allô? Oui, excusez-moi, frère Martin, mais est-ce que Balaam, alors, il a dit une prophétie qui ne venait pas de l'Éternel? Bien aimé, je peux continuer dans si tu me coupes tout le temps comme ça, ça ne me permet pas de bien agencer. Mais je bénis Dieu pour la question. Balaam a dit la parole de Dieu. Il ne l'a pas dit de son gré. Il a dit parce que l'Esprit de Dieu lui a contraint de dire. Mais je veux dire qu'à la base, Balaam était un prophète. Il voyait, il avait des visions, il avait des songes, il avait tout. Et la Bible parle aussi du vieux prophète et du jeune prophète. Il était prophète. Donc ça veut dire que jusqu'à là, frère Martin. Mais jusqu'à là, ça ne veut pas dire que Dieu te donne son esprit et puis tu fais de cet esprit ce que tu veux. Ça n'a plus pas toujours cela. Mon bien-aimé, je ne veux pas. Bon, faut tirailler. C'est vrai que j'ai dit, mon but c'était de toucher les points que la soeur a parlé. Mais venons au livre d'Hébreux, chapitre 6, à partir du verset 1. On va lire. Le frère Martin, excuse-moi, c'est pas en fait pour vraiment te dénigrer par rapport à ce que tu es en train de dire. Au fait, on veut comprendre ce que tu as dit. Tu as dit quelque chose que je n'adhère pas en fait. Donc il faut que je te le dise, qu'on ne contrôle pas les dons, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait ce qu'il veut, celui qu'il veut. C'est pas nous qui contrôlons le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne ses dons. Amen. C'est pas nous qui contrôlons les dons du Saint-Esprit. Amen. Donc, j'ai une question directement à l'endroit du frère. J'ai une question que je vais poser. C'est celle de savoir quelqu'un. Bon, parce que le frère dit que c'est le Saint-Esprit qui contrôle le Saint-Esprit qui contrôle les dons. Quelqu'un qui a cru au Seigneur et bon, qui marche avec le Seigneur. Le Saint-Esprit lui donne des dons. selon qu'on est en train de parler. Et c'est le Saint-Esprit qui contrôle ces dons de la personne. Quand la personne commence à marcher dans la désobéissance à Dieu, la question est celle-ci. Est-ce que ça règle dans la vie de la personne? C'est ma question. Et j'aimerais un peu qu'on ait un éclaircissement. Est-ce que les dons, la personne arrête d'opérer dans le don? C'est une chose. C'est une question. Le frère, la personne n'a pas d'opérer. Moi, je n'ai pas bien compris ta question. Moi, je n'ai pas bien compris ta question. Okay. Je... Pardon, est-ce que tu peux reprendre ta question? Quelqu'un qui a cru en Christ, qui a donné sa vie au Seigneur, et puis, bon, étant venu au Seigneur, il a le don. Le Seigneur fait don, il fait grâce, il le donne, je ne sais pas, peut-être un don de prophétie, un don de guérison, un don de miracle. Qu'importe le don, le Seigneur le donne le don. Et puis, quand la personne arrête, de marcher, ou du moins commence à marcher dans la désobéissance à l'Esprit de Dieu. Est-ce que le don continue d'être manifesté dans la vie de la personne, ou ça s'arrête, ou le don s'arrête de fonctionner parce qu'il marche dans la désobéissance à Dieu? C'est ma question. Le frère Martin, le don n'a rien à voir avec le péché, parce que c'est l'Esprit qui t'amène à la sanctification. C'est pas parce que tu n'as pas... Quand tu as le Saint-Esprit, tu pêches, le frère Martin. Mais l'Esprit t'amène à la vérité. C'est l'Esprit qui te conduit jusqu'à la sanctification, jusqu'à la perfection. Et donc, ça peut ne pas, ça ne t'empêche pas d'œuvrer à ces dons-là. Ça ne peut pas t'empêcher. Dieu ne se répand pas de ces dons. Amen. Shalom, frère et sœur. Exactement. Ce que Frère Martin dit là, moi-même, ça m'inquiète. Parce que je sais que quand tu es scellé du Saint-Esprit, tu ne feras que la volonté du Seigneur. Tout ce que tu feras sera sur sa volonté. Par exemple, si tu as un don de guérison, tu ne peux pas décider de guérir quelqu'un. C'est le Seigneur, dans sa préséance, qui va guérir la personne à l'instant. Donc, tu ne peux pas décider de guérir quelqu'un pour toi-même. Parce que comme le frère Tino avait dit, amen. Les dons de guérison sont différents. Et c'est toi, tu peux avoir un don, tu guéris une personne, une autre personne a un don, et puis il ne guérit pas la même personne. Donc tout ça, c'est toujours sous ton contrôle. Donc la phrase que tu as utilisée, moi-même, ça m'inquiète, mon frère. Allô? J'aimerais qu'on lise un passage, si vous permettez. J'aimerais qu'on lise un passage. Si c'est possible, on peut lire un passage. Frère, répartissons la parole. Frère Oswald, vas-y, s'il te plaît. Frère Martin, si tu permets, on va Frère la parole. Merci. Parce que là, moi-même, je n'arrive pas à comprendre. Parce que si réellement, quand Dieu donne un don et que nous, on ne peut pas le contrôler, ou bien on l'exerce comme on veut, ça veut, moi, est-ce que depuis, ce que je ne suis pas sûr qu'il y a encore des malades, il y a encore des infirmes, que ceux qui ont le don de miracle devaient opérer, guérir tous les tours. Moi, je pense, comme la sœur Julie a dit tout à l'heure, quand Dieu donne un don, il nous fait grâce de ce don, c'est Dieu qui utilise ce don. C'est par nous que Dieu passe pour utiliser ce don. Ça veut dire que si on arrive quelque part et que le Saint-Esprit, et j'aime bien le frère Julien quand il nous enseigne dessus, quand il arrive quelque part, quand le Saint-Esprit lui demande de faire telle chose, il fait parce que c'est l'Esprit. Parce que quand c'est l'Esprit qui va demander. Mais est-ce que c'est parce qu'on a le don de guérison qu'on va se balader partout, guérir tous les malades? Je pense que si c'était le cas, les malades sur terre. Amen. Et même lui-même, c'était le Seigneur, n'a pas guéri tous les malades. Pourtant, amen. Ok. Amen. Frère, je ne sais pas. Shalom, c'est le frère Pierre-Marie qui parle. Shalom. Frères et sœurs, Pierre, excuse-moi, je vais juste essayer de me permettre de faire quelque chose. Essayons, s'il vous plaît, frères et sœurs, de ne pas trop, d'avoir l'habitude de recadrer les choses, de ne pas... répartir la parole et de s'assurer que la personne qui a posé la question est satisfaite de ce qu'elle a, de la réponse qu'on donne. Je profite pour saluer mon frère Achille que j'ai pas vu depuis. Ok, amen. J'aimerais que, comme je le disais, comme on dit dans un passage, ce que le bien-aimé Paul Osbald a dit tout à l'heure, c'est clair et c'est très vrai, mais je continue de le dire, c'est justement dans la désobéissance, dans l'obéissance à Dieu, qui marche après la conduite du Saint-Esprit. Mais je veux qu'on lise un passage. Lisons dans le livre des Hébreux, le chapitre 6, à partir du verset 1, disons voir. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 1. Je ne sais pas si je peux lire. Allô, je lis. Ok. D'accord. C'est pourquoi, prenant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveaux fondements, du recommencement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes et de l'imposition des mains, la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir qui sont tombées, soient encore renouvelés et ramenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par une pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre du feu. Amen. Moi, nous parlions ainsi. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là. D'accord. Bien-aimé, j'étais en train de parler sur un sujet et je vais continuer. La Bible dit ici dans le livre d'Hébreux, et je vais prendre directement le chapitre, le verset 4, car il est impossible, je vais faire des remarques, la Bible ne dit pas qu'il est impossible pour ceux qui ont cru en Jésus seulement, ou pour ceux qui viennent à l'église seulement. Mais la Bible parle d'une quantité de personnes qui ont connu certaines réalités en Dieu. Et je vais un peu citer ces réalités point par point. La Bible dit, il est impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés, ça veut dire qu'ils ont été même éclairés, une fois, qui a goûté le don céleste. Ce n'est pas un don qui vient d'ailleurs, c'est un don qui vient de Dieu. C'est un don qui vient de Dieu. Qui a eu part au Saint-Esprit, c'est marquant, mais c'est vrai, c'est fort, c'est vrai. Qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombées, soit encore renouvelé et ramené à la repentance. Je veux dire ici que ce n'est pas une question de quelqu'un qui est seulement en Christ et puis bon, qui pêche, qui se repent. La Bible dit qui est tombé et qui soit à mesure de revenir à la repentance. Ça veut dire que la Bible dit que lui, pour sa part, il crie une deuxième fois. Donc, il était là et je crois l'apôtre Jean a parlé de quelque chose comme ça. Il a dit qu'il y a eu des frères qui étaient au milieu de nous, mais qui n'étaient pas des nôtres. Et il dit que ces frères, ils ont épié la vie, ils ont fait un certain nombre de choses. Mais la Bible parle d'une qualité de personne ici, quelqu'un qui a connu des réalités en Dieu. Bien aimé, je continue de le dire, Dieu ne se repent pas de son don. Dieu ne va jamais venir te demander ce qu'il t'a donné. Il t'a donné, fais de ça ce que tu veux. Tu peux soit décider de mettre ça sous la conduite du Saint-Esprit ou faire de ça comme tu entends. Mais la Bible parle ici de cette qualité de personne. Et la Bible dit que cette personne tombe dedans. Ça veut dire quelqu'un qui a le Saint-Esprit, qui a connu la parole de Dieu, qui a goûté les dons de l'Esprit, qui a connu la bonne parole de Dieu, tombe. Donc c'est possible qu'il tombe. Parce qu'il y a un bien-aimé qui a dit tout à l'heure que c'est le Saint-Esprit. Et je le dis, c'est vrai. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la marche de la sanctification, c'est vrai. Mais le Saint-Esprit ne viole pas notre liberté. Le Saint-Esprit ne viole pas notre volonté. Si nous refusons d'aller selon la conduite qu'il nous donne, Même le Seigneur dit dans sa parole, mon esprit ne va pas toujours contester avec l'homme. Donc, ça veut, tu peux avoir l'esprit de Dieu, mais si tu refuses de marcher d'après la conduite de l'esprit de Dieu, frère, tu es seulement en train de partir dans le déclin. Je continue de le dire, toutes les capacités que le diable a, ça lui vient de Dieu, frère, ça lui vient de Dieu. Tout le pouvoir, la Bible dit que tout don parfait vient de Dieu, ça lui vient de Dieu. Mais il a ça, il opère au moyen de toutes ces choses-là. Aujourd'hui, beaucoup d'anges déchus opèrent avec ces dons et ces trucs. Mais ils n'agissent pas d'après le cœur de Dieu. Ils ne font pas la volonté de Dieu. Ils ne marchent pas d'après la vie de Dieu. Ils produisent d'autres choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et je vais dire juste que c'est subtil, mais c'est vrai. On voit aujourd'hui aussi, même dans l'église, il y a beaucoup de personnes qui font des choses. Oh non. Bon, venons à une parole. Voici ce que Jésus dit dans la parole. Il dit que quand il viendra, beaucoup de personnes diront ceci. Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci à ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades par ton nom? Donc ça veut dire que cette personne, pendant qu'il faisait ces choses, pour eux, ce qu'ils étaient conscients, c'est qu'ils sont en train de faire ça au nom du Seigneur. Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci par ton nom? N'avons-nous pas fait cela par ton nom? Allez loin de moi, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. C'est ce que le Seigneur dit. Je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que vous commettez l'iniquité. Je peux faire des choses. Je peux opérer, je peux faire des guérisons. En fait, c'est ce que le Seigneur disait. Je peux faire beaucoup de choses. Mais si je vis dans l'iniquité, si je vis dans la désobéissance à l'Esprit de Dieu, Christ ne me connaît pas. Jésus ne me connaît pas. Mais, bon, mais ça, c'est la réponse. Je ne sais pas si cela était-il conduit par le Saint-Esprit? Attendez. Shalom. Ouais, une minute. Moi, je pense qu'il y a une question, il y a un problème de compréhension. Hein, il y a un problème de compréhension là-dedans. Parce que la question, c'était être conduit par le Saint-Esprit pour donner une parole de connaissance et la sagesse. C'est-à-dire par le Saint-Esprit. Okay. Alors maintenant, on est en train de s'éloigner, en fait, de la question. Et moi, je pense, et ce que je comprends par rapport à la parole, on peut être soumis au Saint-Esprit comme on peut attrister le Saint-Esprit en refusant de se soumettre. On peut refuser. Et il y a des moments, et c'est pour ça que le frère lui parle de deux catégories d'enfants, les enfants de Dieu, que parfois ils n'ont pas le choix, c'est-à-dire que le Saint-Esprit les oblige à suivre un chemin. C'est-à-dire que le Seigneur, parce qu'il est enfant, à un moment donné, tu as envie d'aller à gauche, le Saint-Esprit va te dire que non, c'est à droite, tu iras. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a d'autres personnes qui refusent de se soumettre au Saint-Esprit et ça a des conséquences dans leur vie. Donc, la question de la sœur, c'est quand on est conduit par le Saint-Esprit et qu'on a des paroles de connaissance et de sagesse. C'est sur ce point-là que nous devons tirer, parce que sinon on ira trop loin, en fait. On va s'éloigner. Et je pense qu'on a même déjà eu la réponse à cette question. Donc, c'est si on... Hein? Frère, excusez-moi, frère et sœur. En fait, j'ai posé la question au début.